rien a changé, j'ai toujours pas de poteau. La scolpène des gros plans, quand ils jouent en pro, zéro pic, moi je canard, je te canne et je l'abîme. Ta fan n'a pas de peine, sache que n'est pas en panne. Mais bon, rien a changé, je cherche seul mon 38, la trentaine reste arrêt. J'avalerai pas ma langue, tu es en Ligue des Champions et je compte chipper le trophée. Rien a changé, j'ai juste changé la donne. Rien a changé, j'ai toujours pas de poteau. La scolpène des gros plans, quand ils jouent en pro, zéro pic, moi je canard, je te canne et je l'abîme. Ta fan n'a pas de peine, sache que n'est pas en panne. Mais bon, rien a changé, je cherche seul mon 38, la trentaine reste arrêt. J'avalerai pas ma langue, tu es en Ligue des Champions et je compte chipper le trophée. Rien a changé, j'ai juste changé la donne. La squale a buzzé, tes photos sont bizarres. Mais rien a changé, je fume seul mon bison. Le rap c'est mon bisque, la mif c'est la basse. Pan 4 frappe à la bise, laisse tomber, je les pèse tous. Au fait, rien a changé, je t'assure mon pé tout seul. Je vendais de la patate, rue du riz sans pitié, sans personne, sans jacter. Souvent sous Jackie, c'est pancanique, j'accuse, j'encaissais même les pièces. Les tickets resto, ouais, tout le monde sur tes cohorts. Tac tac, ça débile, comme ça déboîte ta meuf. Et tu le sais depuis le début, contre un mur, tu te bats, t'es une bite dans la tête. Mais rien a changé, rien a changé, les bouffons sont michto. Serait être pas un mythe, Luna monte au charbon, Mister Stone. Son bac pro, ben déco, le mental pancani, l'animal et la scol joue en pro. Rien a changé, j'ai toujours pas de poteau. La scol peine des gros pancani, joue en pro. Zéro pic, moi je canard, je te canne et je l'abîme. Ta fan n'a pas de peine, sache que n'est pas en panne. Mais bon, rien a changé, je cherche seul mon 38, la trentaine reste arrêt. J'avalerai pas ma langue, tu es en Ligue des Champions et je compte chipper le trophée. Rien a changé, j'ai juste changé la donne. Rien a changé, j'ai toujours pas de poteau. La scol peine des gros pancani, joue en pro. Zéro pic, moi je canard, je te canne et je l'abîme. Ta fan n'a pas de peine, sache que n'est pas en panne. Mais bon, rien a changé, je cherche seul mon 38, la trentaine. Reste arrête, j'avalerai pas ma langue, tu es en Ligue des Champions et je compte chipper le trophée. Rien a changé, j'ai juste changé la donne. Chez toi tout a changé car j'ai changé la donne. Tu n'étais pas jean, chez moi ça faisait ding dong. Si du mat, pas de match, une note sur maté là. Maté moi c'est netto, bon qu'à maté la rue. Rien a changé, la squad n'a rien choisi. Au poste sur ma chaise, j'ai que la chasse est finie. Au fond je fais du fric, tu frimes, tu payes les frais. La squad, la rue, la vraie, au fait je l'ai pas voulu. Mais j'ai fait du ballon, j'ai vendu des pilules, du pilon et de la poudre. J'avais pas de padré, ma gueule rien a changé. Guette un peu la cité, la banane me soutient et les putes me sourient. Tellement d'hypocrite, ma cravate, ton salaire. Mais rien n'a changé, je baisse toujours les jaja. Ma sécu, mon joujou, l'armure et le gitan. Pendejo, le génie, panca impuissant. J'aime pas, ouais, rien n'a changé. Ces mythos me font chier, chante la rue à tout va comme s'ils avaient tout vu. Mais rien n'a changé, je perds toujours mes chicots. Les keufs me font chier, pourtant chante mes chansons. Au poste, j'en ai chez Mino, j'avais pas de chat. Bah ouais, pour du shit, j'en ai mangé des tartes. Momo énervé, je répondais par un pain. Tout petit, je criais plus les tapettes, criais pas de la rue, j'étais la perche, faisais partie des pires. Mais rien n'a changé, la squad tire pour sa part. Du bel franc parti, avec eux, je suis partout. Préfet par tes bêtes, des et de sortie. Rien a changé, m'en reprends tous les paris. Mais pas les paris, c'est pareil, si c'est carré. C'est ici que ça cartouche, c'est pas un cartoon. Gros, les petits vont de cartonne. Bienvenue dans le village, à chaque fois un vilain. Mais rien a changé, je te jure, c'est trop chez nous. Tu connais la chanson, j'étais seul sur cette chaise. Mais rien a changé, rien a changé, personne m'a fait la passe. Rien a changé, j'ai toujours pas de poteau. La scol peine des gros plans, quand ils jouent en pro, zéro pic, moi je canard, je te canne et je l'abîme. Ta fan n'a pas de peine, sache que n'est pas en panne. Mais bon, rien a changé, je cherche seul mon 38, la trentaine reste arrêt. J'avalerai pas ma langue. Je suis en Ligue des Champions et je compte chipper le trophée. Rien a changé, j'ai juste changé la donne. Rien a changé, j'ai toujours pas de poteau. La squad peine des gros plans, quand ils jouent en pro, zéro pic, moi je canard, je te canne et je l'abîme. Ta fan n'a pas de peine, sache que n'est pas en panne. Mais bon, rien a changé, je cherche seul mon 38, la trentaine reste arrêt. J'avalerai pas ma langue, tu es en Ligue des Champions et je compte chipper le trophée. Rien a changé, j'ai juste changé la donne. Rien a changé, j'ai dû changer la terre.